Grammaire. Page 52. Prendre, venir, pouvoir et les verbes en evoir à trois bases. Observez ces verbes, puis écoutez l'enregistrement. Prendre. Je prends. Tu prends. Il prend. Nous prenons. Vous prenez. Ils prennent. Venir. Je viens. Tu viens. Il vient. Nous venons. Vous venez. Ils viennent. Pouvoir. Je peux. Tu peux. Il peut. Nous pouvons. Vous pouvez. Ils peuvent. Recevoir. Je reçois. Tu reçois. Il reçoit. Nous recevons. Vous recevez. Ils reçoivent.